téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est midi et vous êtes bien sur France Culture. Chaque dimanche de l'été, nous nous souvenons que les animaux ont eux aussi leur histoire. Cette histoire, c'est Michel Pastoureau, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, qui nous la conte en retraçant le parcours à travers les siècles d'un animal célèbre. J'ai l'intuition qu'il porte à celui dont nous allons parler aujourd'hui un intérêt tout particulier. Sale, goinfre, impur au regard de toutes les religions monothéistes, cet animal est mal aimé, méprisé. Et pourtant, le proverbe ne nous enseigne-t-il pas qu'en lui tout est bon ? La science ne nous apprend-elle pas qu'il est, de tous les animaux de la ferme, le plus intelligent ? Comment comprendre alors un tel désamour ? C'est ce que nous tâcherons d'éclairer. Aujourd'hui, portrait du cochon. Je peindrai ici l'image du porc. C'est une bête solide et tout d'une pièce. Sans jointure et sans cou, ça fonce en avant comme un soc. Cahotant sur ses quatre jambons trapus, c'est une trompe en marche qui quête, et toute odeur qu'il sent, y appliquant son corps de pompe, il l'ingurgite. Que s'il a trouvé le trou qu'il faut, il s'y vautre avec énormité. Ce n'est point le frétillement du canard qui entre à l'eau, ce n'est point l'allégresse sociable du chien, c'est une jouissance profonde, solitaire, consciente, intégrale. Il renifle, il sirote, il déguste, et l'on ne sait s'il boit ou s'il mange. Tout rond, avec un petit tressaillement, il s'avance et s'enfonce au grassin de la boue fraîche. Il grogne, il jouit jusque dans le recet de sa triperie. Il cligne de l'œil. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Pour ouvrir cette émission, je viens de vous lire le début du poème de Paul Claudel qui s'intitule « Le porc », qui est paru dans son recueil « Connaissances de l'Est » en 1900. C'est une description pour le moins originale du cochon que Claudel nous fait ici parce qu'elle est amicale, on pourrait presque dire fraternelle. Claudel, lui, semble regarder le porc sans mépris. Oui, c'est un texte peu connu de Claudel, mais qui est daté 1900. Et c'est une époque où on a... en Europe occidentale, pas mal d'intérêt pour le cochon qui est censé porter bonheur. C'est une époque où on envoie beaucoup de cartes postales sur lesquelles on voit associer l'image d'un cochon et celle d'un trèfle à quatre feuilles. Il y a avant la Première Guerre mondiale, comme ça, toute une iconographie du cochon plutôt sympathique et surtout porte-chance qui fait contraste avec l'iconographie du porc dans les siècles et même les millénaires précédents. Pour Claudel, c'est un animal de jouissance, nous dit-il. Oui, alors je ne sais pas quels étaient les goûts alimentaires de Claudel, mais c'est vrai que le cochon évoque par différents biais la sensualité et spécialement le sens du goût. On mange toutes sortes de choses tirées du cochon, sa chair, mais aussi son sang, par exemple, sous forme de boudin, puis un certain nombre de ses entrailles et d'autres produits qui forment des triperies, pourrait-on dire. Dans le cochon, tout est bon. D'ailleurs, il n'y a pas que l'alimentation de tout temps, on a retiré du porc non seulement des produits alimentaires, mais des cuirs, des os. Au Moyen-Âge, avec les os de porc, on fait la colle, les soies avec lesquelles on fait des brosses, plus tard des pinceaux. Bref, vraiment, oui, dans le cochon, tout est bon. Dans le cochon, tout est bon, mais avant qu'on le consomme en grande quantité, qu'on le mange, il n'a pas toujours été un animal domestique. Oui, alors on discute beaucoup aujourd'hui pour savoir si le cochon descend du sanglier, domestiqué au fond, ou bien si ces deux animaux ont un ancêtre commun. Les spécialistes de la domestication ne sont pas tout à fait d'accord, mais ils s'accordent en revanche sur les dates pour dire qu'au Proche-Orient, le cochon n'a été domestiqué qu'à partir du moment où l'homme a été sédentaire, et même un peu plus tard, donc aux environs de 5000, 6000, 7000 avant avant notre ère. Il est domestiqué, en tout cas bien plus tard que le mouton, la chèvre, le chien ou le chameau, parce que c'est un animal qui ne peut pas suivre les populations nomades, contrairement au mouton. Donc il faut attendre que l'homme se sédentarise et vive en société. Ça peut expliquer aussi un certain nombre de tabous et d'attitudes envers le porc dans les millénaires suivants. Les peuples qui ont été nomades et qui le sont restés longtemps se sont méfiés de cet animal qui ne pouvait pas les suivre dans leurs déplacements. Alors j'ai dit pour ouvrir cette émission que, au cours de sa longue histoire, le cochon était un animal méprisé, bien des fois. Dans l'Antiquité, pourtant, cet animal n'est pas du tout dévalorisé. Oui, il y a deux attitudes différentes envers le cochon dans l'Antiquité. Il y a les admirateurs et même les élateurs du cochon, les Grecs et les Romains, mais aussi les Germains, les Gaulois, qui aiment le porc, qui aiment la viande de porc, qui élèvent des troupeaux de porc, qui glorifient plutôt le cochon. Certes, pour eux, il est aussi sale, il est goinfre, mais ça ne suffit pas à effacer ses qualités. Et puis, à l'opposé, chez d'autres peuples méditerranéens, notamment ceux dont parle la Bible, le porc est souvent un animal méprisé, rejeté et même taboué, d'où les interdits que l'on trouve dans le Lévitique et le Deutéronome, pour ce qui est de la Bible. Mais il y en a d'autres, chez les Égyptiens ou chez les Phéniciens, par exemple. C'est un animal qui n'est pas consommé et même dont les produits peuvent être plus ou moins taboués, la peau, les os. Dans la culture hébraïque ancienne, même le nom du porc ne doit pas être prononcé. Il fait partie d'une liste assez longue d'ailleurs d'animaux qui sont réputés impurs, mais il est probablement, pour la Bible, le plus impur des animaux impurs puisque le tabou s'étend jusqu'à son nom qu'on ne doit pas prononcer. Alors on a beaucoup réfléchi, travaillé, émis des hypothèses. Aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a évacué l'hypothèse climatique et hygiénique qui avait longtemps cours, à savoir que dans les pays chauds, la viande de porc se conserve mal et apporterait à l'être humain qui la consommerait toutes sortes de maladies. On a abandonné cette idée-là parce que ça n'est pas vrai comparativement à d'autres viandes. La viande de bœuf ou de mouton ne se conserve pas tellement mieux. Et surtout, dans les mêmes régions, avec le même climat, certains peuples mangent du porc et d'autres n'en mangent pas. Plus solide, évidemment, est l'hypothèse selon laquelle, contrairement aux autres herbivores, le cochon, lui, se nourrit d'immondices, de charognes, parfois de sa propre progéniture. Donc ça, du point de vue symbolique, au moins, c'est assez répulsif. On a aussi avancé des hypothèses historiques, à savoir que le porc aurait été l'animal sacré, l'animal totem des plus anciennes tribus chez les Hébreux, ou bien chez le peuple que les Hébreux ont remplacé dans la Terre promise, les Cananéens. Ces hypothèses sont assez fragiles. De manière plus positiviste, on s'est demandé si dans ces régions où l'eau est une rareté, on n'élève pas de cochon parce que celui-ci a un énorme besoin d'eau pour différentes raisons. Il a aussi besoin d'être conduit dans la forêt, dans ces zones géographiques où les forêts sont rares. Bref, aujourd'hui, deux hypothèses semblent plus solides que les autres. L'une qui n'isole pas le cochon, mais qui prend ensemble tous les animaux taboués ou réputés impurs, ce sont ceux qui sont difficiles à classer, qui sont hors catégorie. L'autre hypothèse, peut-être encore plus solide, ce serait de souligner qu'il y a un cousinage biologique entre l'homme et le porc. Et ça, les sociétés anciennes le savent, les médecines antiques soulignent cette parenté anatomique et physiologique. La médecine arabe prend le relais, la médecine médiévale enseigne l'anatomie du corps humain dans les écoles de médecine en disséquant le cadavre de la truie ou du verra. Et la médecine la plus contemporaine emprunte beaucoup de produits aux cochons et confirme pleinement cette parenté biologique, anatomique, physiologique. Donc le cochon, on le rejetterait en fait parce qu'il nous ressemble. Voilà, il nous ressemble trop. Manger du porc, c'est presque être cannibale. D'ailleurs, plusieurs témoignages au fil de l'histoire, y compris des témoignages récents, soulignent que la chair de l'homme a le même goût que la chair du cochon. Donc il y aurait ce tabou-là, trop grande proximité, c'est un cousin, et ça explique des comportements qui sont à la fois rejet, mais aussi attrait. Si on s'arrête un peu sur les religions juives et musulmanes, est-ce que du coup dans ces deux religions, le cochon a au fond le même statut, il est rejeté de la même manière, ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux ? Il y a quelques différences, en ce sens que pour l'islam, le cochon est un animal rejeté et taboué, mais le tabou semble un petit peu moins grand que dans le monde juif. Il s'étend aux produits que l'on tire du porc, et notamment à la viande, mais il ne s'étend pas jusqu'au nom du cochon, comme ça peut être le cas chez certains rabbins qui refusent de prononcer ou d'écrire le nom de cet animal. De même que le nom de Dieu, on ne prononce pas le nom du cochon. Voilà, le nom est très très fort. En revanche, les rabbins et d'autres exégètes essayent de comprendre pourquoi ces rejets, alors que chez les musulmans, on pense parfois que les lois divines ne sont pas faites pour être expliquer, c'est même une sorte de péché que de chercher à les comprendre. Donc on a moins de travaux sur le rejet du porc en pays d'islam que dans le monde hébreu puis juif. Dans le christianisme, le porc est aussi considéré comme un animal impur lorsqu'il n'est pas considéré comme un attribut de Satan. Oui, l'attitude du christianisme vis-à-vis du cochon est ambivalente, elle est même ambiguë. Les mauvais aspects, bien sûr, ce sont la goinfrerie, la saleté. Certains auteurs du Moyen-Âge soulignent que le cochon a toujours la tête baissée pour fouiller dans le sol et qu'il ne lève jamais la tête vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu. C'est un grand péché. Tardivement, d'ailleurs, on lui a associé, en plus de tous ses vices, un vice supplémentaire, celui de luxure, qu'il ne possédait pas dans l'Antiquité pendant la plus grande partie du Moyen-Âge. Il était vicieux à bien des égards, mais pas pour la lubricité. C'était le chien qui était l'animal luxurieux par excellence. Et puis, à un moment, il y a un glissement symbolique et ce pauvre cochon reçoit, en plus de tous ses vices et de tous ses péchés, celui de luxure. Et le cochon, oui, pourrait-on dire, commence à faire enfin des cochonneries à la fin du Moyen-Âge et surtout au début de l'époque moderne pour débarrasser le chien. Et ça nous est resté. Mais c'est, du coup, ce qualificatif, cette dimension lubrique du cochon, elle vient d'où ? Eh bien, elle est facilitée par le fait que le cochon est sale ou passe pour être sale physiquement. Il a l'air d'aimer la boue. En fait, il transpire mal et il a besoin d'eau. Et quand il n'a pas d'eau, il va la chercher là où il y a de l'humidité, c'est-à-dire dans les égouts, dans les marécages et dans la boue. Donc on a l'impression qu'il aime la saleté. Et donc de la saleté physique à la saleté sexuelle, on a franchi le pas assez facilement. Mais le cochon n'est pas plus sexuel qu'un autre animal. On lui a prêté, bien sûr, par projection anthropomorphe, un plaisir immense dans l'acte charnel, mais il pratique comme tous les autres quadrupèdes et il n'a pas l'air de jouir plus que les autres animaux. Mais la truie met bas un grand nombre de petits. Alors la truie est féconde, c'est une bonne mère, elle a une progéniture abondante, elle protège plutôt ses petits contre d'autres animaux, mais elle est aussi vorace, elle aurait la tendance parfois à les écraser à la naissance et à manger ceux qui sont morts-nés en quelque sorte. Mais c'est plutôt une bonne mère et c'est surtout l'image de la fécondité, et par extension le cochon va devenir un attribut bizarrement de la prospérité et puis même de la richesse, avec l'idée que un cochon c'est facile à élever, une truie donne naissance à beaucoup de cochons, donc qui possède un porc peut s'enrichir en quelque sorte, ou en tout cas ne sera jamais pauvre. D'où l'idée de ces rapports entre le cochon et l'argent, et la naissance. Cochon tirelire notamment. et la naissance en effet des premières tirelires dans le courant du XVIIIe siècle, d'abord en Écosse, puis en Angleterre, puis sur le continent. Et ce lien avec l'argent, avec la chance, avec la fortune, atteint son apogée, comme nous le disions au début, dans ses porte-bonheurs et ses cartes postales des années 1900. Alors, pour le christianisme, hein, si je reviens au christianisme, on a vu cochon lubrique, cochon associé à l'argent, cochon sale, goinfre, mais malgré tout, il est un personnage de la chrétienté qui semble présenter une image tout à fait positive du cochon. C'est saint Antoine, Michel Pastoureau. Oui, la symbolique chrétienne a toujours besoin de soupapes. Et alors, il y a toujours des exceptions qui font que le système symbolique peut bien tourner sur lui-même. Sinon, il serait complètement enfermé, il exploserait. Il faut des soupapes, donc ici, il faut des bons cochons. Et le bon cochon, dans la géographie, c'est celui de saint Antoine, un des plus grands saints. Mais l'histoire connaît quelques renversements. Saint Antoine, c'est le fondateur supposé du monachisme. Un homme extrêmement pieux dans le désert d'Égypte. Il s'est retiré pour mener une vie ascétique. Il est rejoint par des disciples, donc il va s'installer un peu plus loin pour être seul. Là, le diable l'attaque, lui envoie des bêtes féroces, des femmes séduisantes pour le tenter, pour l'agresser. Parmi les bêtes féroces, il y a des monstres épouvantables. Et quand la légende du grand saint Antoine se déplace en Occident, c'est la forêt qui remplace le désert, et dans les images et dans les textes, les animaux effroyables qui viennent l'agresser sont des bêtes de la forêt, ours, loups, sangliers. Et puis au fil du temps, un peu avant l'an 1000, après l'an 1000, il n'en reste plus que deux, le loup et le sanglier, puis un seul, le sanglier, qui rapidement, de porc sauvage, se transforme dans les images en porc domestique. Et alors au lieu d'être un envoyé du diable, ce cochon domestique se transforme en compagnon du saint, et dans l'iconographie, il est son attribut obligé à partir des 11e, 12e siècles jusqu'au 19e siècle, au point même que l'autre saint Antoine, le franciscain, le compagnon de saint François d'Assise, qui n'a rien à voir avec les cochons, est parfois doté lui aussi d'un attribut porcin dans certaines images de l'époque moderne. Dans la représentation de saint Antoine et son cochon, saint Antoine est en effet souvent représenté dans la forêt, mais au Moyen-Âge, le cochon habite autant la forêt que la ville. Oui, dans la vie des villages, l'usage est de réunir les cochons de chaque famille, un porcher les guide sur les chemins, dans les landes, et à l'automne, dans les forêts, où les cochons vont manger sous les chênes et sous les hêtres, les glands et les faines, avec un calendrier qui est de plus en plus contraignant et restreint au fil des siècles. Cette façon d'emmener les porcs dans la forêt, pendant le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, c'est assez libre. Et puis les droits émis par les seigneurs se restreignent. Les villageois protestent. Ce sont des querelles et des conflits sans cesse, encore à la veille de la Révolution, où le calendrier, en général, va au fond du début du mois de septembre jusqu'au 11 novembre, le jour de la Saint-Martin, de la Saint-Michel à la Saint-Martin, en quelque sorte. Donc c'est très court. Il est interdit aux porchers de taper sur les branches des chênes pour faire tomber les glands. Et puis, on s'aperçoit... Pourquoi ? Parce que le gland est considéré comme une richesse ? Pourquoi on leur interdit ? Oui, pour pas qu'ils en prennent trop, pour ne pas qu'il y ait trop de cochons dans la forêt, parce qu'ils ont une action dévastatrice sur le sol. Ah oui, parce qu'ils saccent le sol. Ils fouillent, ils mangent des champignons, des racines, des insectes, des vers, etc. Mais ils massacrent un peu la repousse des jeunes arbres, et ainsi de suite. Donc, au fil du temps, il y a de moins en moins de porcs en forêt, mais au Moyen-Âge, c'est une activité tellement importante que souvent on évalue la taille d'une forêt selon le nombre de porcs qu'elle peut nourrir en une année. Et alors, quelles sont les plus grandes forêts que l'on connaît au Moyen-Âge ? Mais en général, vous pouvez nous le dire de mémoire. On dit qu'il faut un hectare pour élever une centaine de porcs, à peu près. Les plus grandes forêts au Moyen-Âge se trouvent en zone germanique ou slave pour l'Europe occidentale. Mais en France, simplement autour de Paris, il y a encore d'immenses forêts. Mais le cochon, au Moyen-Âge, est aussi un habitant des villes. Il est déjà présent dans les villes romaines, quelque peu vagabond dans les rues, mais les documents en parlent surtout à partir de la fin du Moyen-Âge et tout au long de l'époque moderne, où il joue en ville le rôle d'éboueur. Il mange les ordures, il ramasse tout ce qu'il trouve, d'où des excès, des cochons qui pillent une boutique, dévastent un jardin, vont déterrer les cadavres dans les cimetières, occasionnent des accidents. Il déterre les cadavres dans les cimetières. Oui, il faut enclore les cimetières à Paris, par exemple le cimetière des Innocents, sur ordre de Philippe Auguste, et entouré d'un grand mur pour que les cochons n'y viennent plus. Nous sommes vers 1205-1210. On a des décisions qui interdisent la divagation des porcs en ville dès le XIIe siècle, et on en a encore à Naples, par exemple, en plein XXe siècle. Donc ça prouve que ces décisions ne sont jamais respectées et que les porcs ont tout le temps été vagabonds dans les villes d'Europe occidentale, occasionnant toutes sortes d'accidents, notamment des morts d'enfants, voire des morts d'adultes, infanticides, homicides, et on a des cas où des cochons, après avoir renversé et tué un nourrisson, ont commencé à le dévorer. Le cochon a même été, je crois, Michel Pastoureau, régicide dans une histoire fameuse. Oui, c'est une histoire sur laquelle je travaille depuis presque un demi-siècle. En 1131, le fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, qui était aussi roi de France lui, puisque selon l'usage, il avait été sacré du vivant de son père, associé au trône, il a 15 ans, et il meurt dans une rue de Paris d'une chute de cheval provoquée par un cochon de ferme qui est vagabond, qui s'est mis dans les pattes du cheval, qui l'a fait tomber. Et ce cochon, donc, est qualifié de régicide, de porcus diabolique, par plusieurs chroniqueurs, et ça n'est pas anecdotique, c'est une mort qui change le cours de l'histoire de France, c'est une mort qualifiée d'infâme, de misérable, de honteuse, qui jette une sorte de souillure sur la monarchie capétienne, et qui a des conséquences considérables. C'est le cadet qui devient roi, sous le nom de Louis VII, un règne interminable et un règne très malheureux, beaucoup de catastrophes. Il faut effacer la souillure et je développe l'hypothèse que le choix des armoiries royales d'azur semées de fleurs de lys d'or, c'est un choix qui est fait pour protéger le royaume à la suite de cet accident malheureux. On fait appel à la Vierge, on lui emprunte deux de ses attributs, la fleur de lys et la couleur bleue. On en fait les armes de France, et la couleur bleue, qui a traversé les siècles et les régimes, est restée la couleur de la France. J'ai lu sous votre plume, Michel Pastoureau, que les cochons au Moyen-Âge étaient aussi jugés pour tous ces méfaits, accidents, régicides parfois. Donc, au Moyen-Âge, il y a des procès d'animaux. Oui, à partir du milieu du XIIIe siècle, on a d'assez nombreux documents jusqu'au début du XVIIe qui nous parlent de ces animaux qui sont conduits au tribunal pour crimes et délits divers. On a l'idée que les gros animaux, spécialement les animaux de la ferme, sont capables de comprendre le bien et le mal, donc on peut les juger, éventuellement les condamner. Et 9 fois sur 10, ce sont des cochons, les vedettes de ces procès faits aux animaux, non seulement parce qu'ils sont nombreux en ville et qu'ils occasionnent beaucoup d'accidents, plus que n'importe quel autre animal, mais aussi probablement, pour des raisons symboliques, en raison de ce cousinage dont nous avons parlé. Le cochon, c'est l'animal le plus semblable à l'homme, biologiquement, donc ça semble normal qu'on le conduise au tribunal, et on a pas mal d'affaires bien documentées. Il n'est pas toujours condamné, quelquefois on lui donne un défenseur, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous un avocat, quelques affaires sont restées célèbres. Si l'animal est condamné, en général il est d'abord pendu, puis brûlé. Si on n'est pas parvenu à l'attraper, on prend un congénère, qui n'y est absolument pour rien, qu'on juge à sa place, qu'on condamne, mais qu'on n'exécute pas, puisqu'il n'est pas vraiment coupable, c'est un acteur au fond. Mais plus fréquemment, on fabrique un mannequin en forme de cochon, et c'est ce mannequin qui est pendu, puis brûlé. Par rapport à nos usages modernes, ce qui est frappant, c'est que le propriétaire de l'animal n'est en rien responsable, c'est la bête elle-même qui est coupable. Mais ce qui est étonnant dans ces histoires, c'est que certes on les juge, mais ça veut dire aussi que on les, d'une certaine manière, considère responsables quand même de leurs actes. C'est donc une forme de valorisation de l'animal. Oui, ça implique un rapport entre l'homme et l'animal bien plus étroit que à l'époque contemporaine. Ça, c'est une des grandes leçons du Moyen-Âge. Il y a une communauté des êtres vivants. C'est un héritage d'Aristote, relayé par saint Paul. C'est une idée qui est vraiment dans l'air. Aujourd'hui, on a moins conscience de cette communauté des êtres vivants. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est sa couleur. Aujourd'hui, on représente toujours le cochon sous des traits roses, d'un rose pimpant, vif. D'abord, les cochons dans la nature ne sont pas toujours roses. Pourquoi est-ce que c'est le rose qu'il a emporté dans la représentation de l'animal ? Oui, les cochons antiques et médiévaux, domestiques, ont une robe foncée en général, noire, gris, brun, rayé, tacheté, et elle s'éclaircit au fil du temps, mais elle prend vraiment cet aspect rose ou blanc-rose qu'à partir du XVIIIe siècle, lorsque, pour améliorer la production de viande, on croise des cochons européens avec des cochons venus d'Asie. Ça change un peu la couleur des poils, et on arrive à ces couleurs que nous connaissons, qui semblent aujourd'hui emblématiques du porc domestique, mais qui sont assez récentes au fond. Et je me souviens que j'ai été conseiller historique pour un film célèbre, Le Nom de la Rose, de Jean-Jacques Annaud. J'ai été chargé de tout ce qui concernait la couleur et les animaux, bien sûr, et les emblèmes. Et il y avait une scène avec des cochons. Nous sommes au début du XIVe siècle, et ça n'est qu'au dernier moment que je me suis souvenu, je suis vraiment coupable, que les cochons du XIVe siècle n'étaient pas roses comme ceux qu'on avait mis sur le plateau, mais qu'ils devaient être foncés, bruns, gris, noirs. Et comment avez-vous fait ? Nous n'avions pas le temps de nous procurer des cochons à robe noire, alors on a fait une chose abominable, nous les avons peints à la bombe. Et ces cochons, donc peints ou à moitié peints, se sont frottés les uns aux autres. Ça a fait une scène très, très gore, et Jean-Jacques Annaud était extrêmement content du résultat. Si le rose l'a emporté aussi dans les représentations, c'est peut-être parce qu'au XXe siècle, à l'époque contemporaine, il est devenu une figure amicale, notamment pour les enfants. Je pense par exemple, pour citer un exemple entre mille, aux Trois Petits Cochons ou encore au film Babe plus récemment. Oui, le cochon et l'enfant entretiennent des rapports étroits. Le cochon est un cousin de l'homme, peut-être aussi pour l'homme occidental. Il y a ce transfert de la carnation, de la peau blanche ou rosée vers l'animal qui est son cousin. On a beaucoup, au fil du temps, d'histoires de métamorphose d'humain en cochon. Dès l'Odyssée, par exemple, les compagnons d'Ulysse qui arrivent sur l'île de la magicienne Circé sont changés en porc par la magicienne. Au Moyen-Âge, on a la légende de Saint-Nicolas qui met en scène un méchant boucher qui transforme trois jeunes enfants qui lui ont demandé de l'hospitalité en porcelet, mais le grand Saint-Nicolas fait un miracle et leur rend la forme humaine. C'est une histoire de métamorphose, et plus récemment, on a le beau roman de Marie Darieussecq, Truisme, où une jeune femme progressivement se change en truie et finalement préfère son état de truie à son état de femme. C'est aussi une leçon de morale. Donc la légende, la mythologie, la littérature soulignent également ce cousinage entre l'être humain et le cochon. Oui, ce cousinage qui se retrouve aussi dans le fait que de nos jours, le cochon sert à beaucoup d'expériences médicales, pour la recherche, pour la chirurgie. C'est un cousinage qu'on retrouve dans les faits. Oui, le cochon n'est pas une espèce protégée comme les grands singes, donc la médecine s'en sert comme cobaye et lui emprunte aussi de nombreux organes pour des greffes de peau, des greffes d'organes, pour des produits comme l'insuline, par exemple, qui pendant longtemps était de l'insuline de porc. On sait même qu'une truie peut être, le temps d'une opération, porteuse d'un embryon humain, le temps qu'on opère la mère biologique, on transporte le fœtus de l'utérus de la femme vers l'utérus de la truie pendant 2, 3, 4 heures, et puis on le replace là où il doit aller, ça donne le vertige. Mais ça, on a l'impression que les sociétés anciennes le devinaient ou le savaient déjà. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Merci. Merci beaucoup Michel Pastoureau, vous aurez reconnu la voix des Beatles qui chantaient les Little Piggies, les petits porcelets. Sur Le Cochon, je renvoie nos auditeurs aux deux ouvrages que vous lui avez consacrés, Le Cochon, histoire d'un cousin mal aimé, paru dans la collection Découverte Gallimard en 2009, et puis en 2013, toujours chez Gallimard, Le Cochon, un ouvrage préfacé par Jean-Pierre Coff, histoire de parler un peu cuisine, ce dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Pour retrouver ces références, rendez-vous sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pourrez également réécouter cette émission en ligne, la télécharger et télécharger tous les autres épisodes de cette série. Cette émission a été réalisée par Anne Pérez, préparée avec la collaboration de Romain Couturier et d'Antoine Vuillose, et avec aujourd'hui à la technique, Émilie Couette. Nous retrouverons Michel Pastoureau dimanche prochain, à la même heure, pour le portrait d'un grand méchant, le loup. Clutching forks and knives to eat the bacon. One more time. France Inter présente le livre « On va déguster l'Italie » de François-Régis Gaudry et ses amis. Un joyeux pêle-mêle de savoir et de saveur. Tutta la cucina italiana. On va déguster l'Italie de François-Régis Gaudry, coédité par France Inter.